Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Noël. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même les dimanches. Découvrir en radio CKRL 89.1. Et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui va être en votre compagnie pour la prochaine heure. Encore une fois, j'ai parcouru les internets pour vous trouver de la bonne musique gratuite. J'ai trouvé plein de sortes de musiques quand même assez différentes, assez éclectiques, comme à l'habitude. On va débuter avec une étiquette qui ont vraiment beaucoup de matériel, sont presque rendus une centaine d'albums. Il s'agit de l'étiquette Mimi Records. C'est une étiquette qui vient du Portugal, mais qui a des artistes du Japon aussi. Donc, une étiquette vraiment intéressante. On débute avec Cubic, qui vient de Guarda, au Portugal. Je vous fais entendre sa pièce « Chicken's Death ». Puis ensuite, on va entendre Daily Misconceptions, un autre groupe qui vient du Portugal. Je vous fais entendre la pièce Inji. Ensuite de ça, on va entendre un japonais qui s'appelle Tsuyoshi Nakamura. Je vous fais entendre sa pièce 1964. Donc pour tout de suite, à Web Music, on entend Cubic. We'll be right back. C'était le japonais Tsuyoshi Nakamura avec sa pièce 1974. C'est sur l'étiquette portugaise Mimi Records. Également sur la même étiquette avant ça, on avait entendu Daily Misconceptions avec leur pièce Engie. Daily Misconceptions qui vient du Portugal. Puis également du Portugal, on avait débuté avec Cubic. La pièce s'appelait Chicken's Death. Donc, des artistes qui sont sur l'étiquette fort intéressante Mimi Records. On poursuit avec une autre étiquette qui s'appelle Acroplane Recordings. Eux autres aussi ont beaucoup de matériel. Je vais vous en faire passer dans les prochaines émissions. C'est vraiment intéressant ce qu'ils peuvent avoir à offrir. Donc, on va entendre Mad EP, un artiste qui nous vient des États-Unis. Je vous fais passer sa pièce Eusebius Reprise, puis ça va être suivi par la pièce Oods, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Rome Restless, donc sur l'étiquette Acroplane Recordings. Ensuite de ça, ben, c'est sur l'étiquette allemande Stiger Music. Je vous fais entendre Black Daylight, un artiste de Chicago. Je vais vous faire passer deux pièces. La première s'appelle Shogun Showdown. Ça va être suivi par Moon Up. Donc pour tout de suite, Mad EP. Oh. C'était Black Daylight avec la pièce Moon Up. C'est très précédé par la pièce Shogun Showdown, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Attack of the Extravagant Minimalist. C'était sur l'étiquette Stiga Music, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, on avait entendu deux pièces de Mad EP sur son album Rome Restless. On avait entendu Oods et on avait débuté avec Eusebius Reprise. Deux pièces qui sont sur l'étiquette Acroplane Recordings. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez les liens qu'il vous faut pour télécharger les pièces. On fait une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. Ici Alexandre de Rome Bruno Mongrain Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4$ au Théâtre Périscope, de 3$ au Théâtre de la Bordée. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10. Pour découvrir en radio CKRL 89.1. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie pour encore une petite demi-heure. Donc, on va poursuivre avec une étiquette qui vient du Portugal que j'adore. Elle s'appelle Phonotactics. Je pense que je vous ai fait passer à peu près tous les albums qui étaient disponibles sur l'étiquette. Je reviens toujours à eux. Ils ont toujours des trucs vraiment intéressants, vraiment différents. On va entendre Drama Jaqua, un artiste qui nous vient de la ville de Prague, en République tchèque. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album Puo e Mixa. Donc, deux pièces assez intéressantes qui ont des samplings de chanteuses avec une voix asiatique. Je ne pourrais pas dire exactement de quel pays, mais ça fait vraiment un drôle de mélange. Donc, je vous fais entendre deux pièces. La première s'appelle Awar Kouli, puis la seconde s'appelle Vélo. Donc, Tramarge à quoi à Web Musique. Thank you. We'll be right back. C'était Drama Jacquois avec ses samplings de voix asiatiques, peut-être chinoises, j'en ai aucune idée. On avait entendu deux pièces. Ce qui venait tout juste de jouer, c'est la pièce Vélo. C'était précédé par Awar Kouli. Deux pièces qui se retrouvent sur son album Puo Mixa. C'est sur l'étiquette portugaise Phonotactics. Comme je vous disais avant la pause, c'est possible de télécharger les pièces gratuitement. Je vous le rappelle, vous vous rendez au www.webmusique.org puis vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Émission qui est elle-même disponible en balado-diffusion, donc vous pouvez écouter l'émission quand bon vous semble. D'habitude, c'est disponible à peu près vers minuit ou souvent plutôt le lendemain matin, le lundi tôt. Donc, vous pouvez l'écouter n'importe quand dans la semaine, quand vous voulez. On poursuit avec une étiquette qui s'appelle Jatari, une étiquette qui fait du digital laptop reggae, donc du reggae et du dub fait avec remixé avec des laptops. Je vous invite à monter le son très fort. Le dub, ça s'écoute bien quand c'est fort. Donc, on va entendre Blue Vitriol, un artiste de Oakland, en Californie. Je vous fais entendre sa pièce Cryo Volcano. J'ai mis une vidéo aussi qui a été faite par un fan chinois. Donc, une vidéo assez intéressante pour aller avec la musique. Puis enfin, on va écouter, ensuite de ça plutôt, on va entendre Ras Amerlock, sa pièce Space Buccaneers versus The Slot. Ras Amerlock qui nous vient de Milwaukee au Wisconsin. Donc, du dub du Wisconsin. Tout de suite, on écoute Blue Vitriol avec Cryo Volcano. We'll be right back.

C'était Ras Amerlock, un artiste qui nous vient de Milwaukee au Wisconsin. C'était sa pièce Space Buccaneers versus The Slow. Avant ça, c'était Blue Vitriol, un artiste qui vient de Oakland en Californie. C'était sa pièce Cryo Volcano. Comme je vous disais tantôt, il y a une vidéo qui est rattachée avec ça, qui a été faite par un fan chinois. Il y a plein d'images qui ont été prises sur Internet Archive pour faire ce vidéo-là. Donc, c'est un pas pire de remixage, de réappropriation de la pièce. Les deux artistes étaient sur l'étiquette Jatari, une étiquette qui fait du Digital Laptop Reggae. Une étiquette que je vous recommande. Ils ont plein de trucs à télécharger, puis ils ont des albums aussi à vendre en vinyle et en CD. Donc, une étiquette assez intéressante. Le site aussi de l'étiquette est assez tordant. C'est fait avec un peu un thème 8 bits. Donc, je vous invite à aller voir le site. Ça vaut vraiment la peine. On va se laisser avec une dernière pièce qui vient du duo allemand Das Kraftfutter Mischwerk. Je vous fais la passer la pièce Striem. Donc, ça va être tout pour Web Musique. Vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues. Pour ça, ben, vous pouvez passer par le site principal de CKRL, qui est au ckrl.qc.ca, dans la section Programmation. Donc, vous allez voir le site de l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée, puis ça va être Jason Vlasak qui va suivre avec son émission Jazzimus Actuel. Pour moi, ben, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit. procédés industriels, renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous aimez le jazz? CKRL est présentement à la recherche de plusieurs producteurs-animateurs pour présenter Cool Jazz en semaine sur leur ligne. Nous recherchons des animateurs bénévoles avec ou sans expérience passionnés de la radio. Vous êtes intéressé? Appelez notre charmante directrice de la programmation, Marjorie Champagne, au 640-2575, poste 203, ou en ligne à programmation en commercial, ckrl.qc.ca. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. C'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien de se voir. Les productions Menoum en collaboration avec le Cercle et la Cuisine vous offrent un autre buffet chaud délicieux pour une radio nourrissante. Au menu, Maken Kozapo. Le détail absent. Pour seulement 10$ et le tout au profit de CKRL, samedi 15 novembre, 21h, 10$. Au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, 948-8648. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes.